Bonjour, Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est parti pour notre promenade scientifique hebdomadaire avec Futur Simple. Alors, c'est bientôt le 31 octobre, le temps des sorcières et autres monstres qui vont bientôt parcourir nos rues. Alors, en deuxième partie, nous prendrons un peu d'avance sur Halloween pour parler du mythe du savant fou. Ce sera à 18h30 avec Mathieu Riopel. Mais pour le moment, on va parler de quelque chose de tout aussi fou, les limites planétaires que dans notre folie collective, nous sommes en train de dépasser. Alors qu'est-ce que c'est que ces limites planétaires dont on entend parfois parler, mais sans trop savoir de quoi il s'agit? Ben, c'est le moment aussi de faire le point sur ces limites planétaires et pourquoi comment on fait pour les dépasser. Alors on va voir ça avec Thierry Lefèvre. Il est professionnel de recherche à la faculté de sciences et génie de l'Université de Laval et également chargé de projets en innovation durable pour le CIROD. Le CIROD, c'est le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Alors Thierry Lefèvre vient d'écrire un article sur les limites planétaires dans le Climatoscope et il est avec moi. Bonjour Thierry. Bonjour Valérie. On va pouvoir donc décortiquer qu'est-ce que c'est que ces limites planétaires. Et c'est donc ma première question. Thierry, qu'est-ce que c'est une limite planétaire? Alors, des limites planétaires, ça fait référence premièrement au fait que l'humanité est en train d'interagir avec la nature, est en train de modifier un paquet de processus dont on entend parler quand même régulièrement, le climat, on est en train de changer les océans, affecter la biodiversité, on pollue, en tout cas un paquet de processus. Et en 2009, Will Stephen et Johan Rockström, qui sont deux chercheurs du Stockholm Resilience Center, puis d'autres chercheurs, c'est une grosse équipe qui ont réfléchi à ces sujets-là. Donc, constatant ces multiples transformations de la planète, se sont dit, mais jusqu'à quel point on peut modifier ces processus sans qu'il y ait des conséquences vraiment importantes, premièrement sur l'environnement dans lequel on évolue, et deuxièmement sur les sociétés humaines. Donc, c'est ça la limite planétaire, c'est d'essayer de trouver une valeur à un indicateur représentatif des processus qu'on étudie, une valeur qui est sécuritaire pour nous, pour pas affecter trop les processus en question, les transformations qu'on est en train d'opérer. Et qu'est-ce qui se passe si on franchit cette valeur? En fait, statistiquement, ce que ça fait, c'est qu'on est en train de se rapprocher de points critiques. Alors, eux autres, les chercheurs, quand ils ont sorti cette idée en 2009, ils ont commencé par baser leur référence sur des points de bascule. Mm-hmm. Ils se sont dit, si on se rapproche trop de points critiques, de points de bascule, là, on va aller transformer nos processus et on va aller dans un autre état qui sera délétère pour les sociétés humaines. Donc, irréversible ou pas ? Irréversible la plupart du temps, en tout cas à l'échelle humaine. Ouais. C'est ça. Ça peut toujours revenir, mais pour une civilisation comme la nôtre, ce serait irréversible. Mm-hmm. Et donc, ils ont réfléchi en réaction avec la notion d'anthropocène qui était parue juste en 2002, juste avant. Et donc, ça fait penser qu'on est en train de sortir de l'époque géologique dans laquelle on évolue depuis maintenant 10 à 12 000 ans, depuis que l'agriculture est née, une ère qui s'appelle l'Holocène. Mm-hmm. Et donc, si on quitte ces transformations qui ont même été bénéfiques pour les sociétés, puisqu'elles ont vu l'apparition des cités-États, puis l'industrialisation qu'on connaît aujourd'hui, se sont dit, mais si on sort de ça, mais peut-être que les conditions environnementales vont être nuisibles pour nous, et donc on serait mieux de les conserver. Donc, les limites planétaires, il y en a neuf, c'est un ensemble de transformations qu'on considère, et donc elles sont censées représenter l'ensemble des processus qui nous permettraient de rester dans cette époque qu'on a... De maintenir une terre habitable. Oui. Habitable pour nous. Oui, c'est ça, absolument. Et donc, c'est ça, parce que si on en sort, on risque d'être dans des conditions moins favorables. Ce sera un peu moins douillet. C'est ça, absolument. Donc, quelles sont-elles, en fait? Il y a les changements climatiques. Oui, il y a les changements climatiques. Quoi, les autres, donc c'est l'érosion. En fait, au début, on parlait plus d'érosion de la biodiversité. Alors, plus généralement, c'est l'intégrité de la biosphère. Mm-hmm. C'est l'acidification des océans, la pollution, ce qu'ils appellent, ils ont, pour caractériser ça, ils ont appelé ça nouvelles entités, nouvelles substances. Parce qu'en fait, la pollution, de manière générale, si on la considère, eh bien, on émet des polluants naturels, si j'ose dire. Le CO2, c'est une forme de polluant, c'est un gaz à effet de serre. Puis il y a toutes les molécules qui n'existaient pas avant que l'homme soit là. Donc c'est pour ça qu'ils les ont appelées nouvelles entités. Parmi les autres, eh bien, il y a la transformation des territoires qu'on est en train d'opérer, donc essentiellement la déforestation. Il y a la quantité d'aérosols qui sont présents dans l'atmosphère. Il y a la couche d'ozone. Qu'est-ce que j'oublie donc ? J'ai pas mal fait le tour, je pense. Ça en fait peut-être déjà plusieurs. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a... Bon, il ne faut pas attendre tant de... Bon, pour les changements climatiques, par exemple, est-ce que c'est le fameux 2 degrés, la limite ? Est-ce qu'il y a un rapport ? Oui, il y a un rapport, mais... Donc, il y a c'est ça. À chaque fois qu'il y a une transformation qui s'opère, il faut choisir un ou plusieurs indicateurs. Pour les changements climatiques, ils en ont choisi deux. Ils ont pris la quantité de CO2 qui est présente dans l'atmosphère. Puis l'autre, c'est ce qu'ils ont appelé le forçage radiatif. Donc en gros, c'est le surplus d'énergie qui reste dans la planète à cause justement de ces gaz à effet de serre. Donc c'est pas la température qu'ils ont choisi. Ils ont choisi la quantité de gaz à effet de serre, mais ça... De CO2, pardon. La quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'intégrité de la biosphère, par exemple, puis ça évolue, hein. C'est ça qui est important de se rendre compte, c'est que c'est apparu en 2009, cette idée-là. Puis il y a eu une révision en 2015, puis il y en a eu une autre en 2023. Puis évidemment, alors la science avance, et donc les limites planétaires n'ont pas changé, par contre. Les processus qu'on considère n'ont pas changé. Mais les indicateurs ont changé, puis la valeur des limites planétaires a changé. Donc, au début, la biodiversité, c'était juste le taux d'extinction des espèces. Puis là, il y a eu quand même des critiques qui sont apparues dans la littérature, en disant que c'est... Puis d'ailleurs, les auteurs le disaient eux-mêmes. C'est un indicateur un peu simple pour quelque chose de très complexe, quand même, la biodiversité. Donc, c'était ça au début. Puis là, ils ont rajouté, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ils ont rajouté l'appropriation par l'humanité de la production la production primaire nette. Donc, en gros, c'est la production par la nature de biomasse. Et comme l'humanité, par l'agriculture, puis par d'autres moyens, par la destruction des territoires, s'accapare une partie de la production de biomasse naturelle, ils ont considéré que ça en fait bien moins pour les écosystèmes, et donc pour nous rendre des services écosystémiques, c'est ça aussi qu'il faut réaliser. Donc, puis sinon, prenons la quantité d'aérosols dans l'atmosphère, c'est la concentration d'aérosols. Pour l'ozone, c'est pareil, c'est la quantité d'ozone dans la stratosphère. Par exemple, un autre exemple, c'est pour l'acidification des océans. Ils n'ont pas pris le pH, qui aurait pu être une quantité un peu naturelle, mais peut-être ça n'avait pas tant de signification. Ce qu'ils ont considéré, c'est le degré de saturation en carbonate de calcium de les océans, parce que tous les organismes à coquilles, ils font leurs coquilles à partir de carbonate, et quand le pH diminue, quand les océans s'acidifient, le carbonate est moins susceptible d'être fixé par les organismes. Donc, ils ont pris quelque chose d'un petit peu plus concret, si j'ose dire. Puis, ça semble assez représentatif de ce qui peut se passer dans les océans. Si les crustacés sont plus capables d'avoir de coquilles, je pense qu'il y a plein d'autres espèces qui ne devraient pas être en mesure de survivre non plus. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a un suivi, il y a des scientifiques qui font des suivis réguliers de ces indicateurs. Je ne pense pas qu'il y ait de commandes en tant que telles, mais la science, il y a de multiples études qui se font, puis il y a de multiples paramètres qui sont regardés. Donc, comme on le disait, les paramètres qui sont étudiés se peaufinent. Les moyens de mesure, ça s'améliore. Donc, tous ces paramètres sont effectivement plus ou moins... Encore là, il n'y a pas de commandite, c'est fait de façon naturelle par les chercheurs, parce que ça fait partie des paramètres qu'il faut regarder naturellement, c'est ça. Donc là, on entend qu'il y a eu une de ces limites qui a été franchie, puis une deuxième, puis une troisième. Il me semble qu'on est rendu à 6, non ? Oui, c'était 3 en 2009 quand ils ont commencé. C'était 4 en 2015. Je pense qu'il s'était rajouté à l'époque la transformation des territoires. Et là, on a ajouté, celui que j'avais oublié tantôt, c'est l'eau douce, qui est la disponibilité de l'eau douce, en fin de compte. Avec ça, ça s'est rajouté, puis il y en a un autre. Donc, on était effectivement à 6 transformations. Alors, en soi, je pense, la question, qu'est-ce que ça change? Ouais. C'est sûr que du jour au lendemain, ça change rien. La vie continue, mais à chaque fois qu'il y a une limite qui est dépassée, la probabilité qu'il y en ait une autre qui soit franchie s'accentue, parce qu'il y a des interactions entre chacune. C'est ça, puis ça, les interactions, ça fragilise les autres systèmes. Oui, absolument. Là, on peut donner des exemples. Le climat affecte la biodiversité directement, parce que les espèces doivent s'adapter, puis elles le font toujours. Pas toujours. La biodiversité, inversement, les écosystèmes influencent le climat, parce que s'il y a moins de forêts, il y a moins de puits de carbone. Il y a un paquet de. C'est pas une réaction en chaîne, parce que c'est pas linéaire, c'est plutôt un réseau, mais c'est une réaction en réseau. C'est ça, mais en fait, les réactions en chaîne, il n'y a pas personne qui en parle, sauf pour le climat quand même. Mm-hmm. Donc c'est un concept qui n'est pas étendu à toutes ces processus-là, mais à l'intérieur du processus climat, de cette limite planétaire climat, on commence à parler d'une possibilité d'événements en cascade. Mm-hmm. Et c'est ça qui est, en fait, pour continuer sur la menace que ça nous fait peser de franchir les limites, en termes de température, c'est pas comme ça que c'est défini, là, mais à mesure qu'on augmente la température globale, les probabilités d'atteindre des seuils de basculement augmentent et la probabilité d'avoir des phénomènes en cascade augmente. Alors là où on en est rendu pour l'instant, la probabilité est très faible, en fait. Mais c'est qu'on est en train de jouer tout simplement à la roulette russe. Mmh. Les limites planétaires, c'est un peu comme si on avait un revolver, pas de balle dans le barillet. Mais si on y a 100 cartouches, dès qu'on dépasse, je dis des chiffres au hasard évidemment, là, pour fixer les idées, si on franchit une barrière, peut-être qu'on met une balle dans le barillet. Puis si on déclenche le pistolet, la probabilité est faible d'avoir la balle dans le cerveau, mais... elle est là pareil. Mmh. Et donc, à mesure qu'on dépasse, que l'écart par rapport à la limite planétaire s'accentue, le nombre de balles augmente. Et à mesure que le nombre de limites est dépassé, pareil. Mmh, ouais. Donc là, on est juste un peu comme avec le concept d'écologie, d'empreinte écologique, où souvent on dit le jour du dépassement, on vit à crédit. Ouais. C'est souvent ce qu'on entend dire. Là, c'est pareil. On est en train de jouer à la roulette russe. Mmh. Et... donc, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Là, actuellement, je pense que la température globale de la planète, c'est 1,45 degrés. Ah ouais, déjà, ouais, je pensais que c'était 1,3. En tout cas, c'est ce qu'ils ont mesuré en 2023. Donc, c'est peut-être juste un épisode ponctuel, mais bref, 1,3, 1,45, fait que... Ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne image, parce que pour réussir à se rendre tout ça concret, parce que finalement c'est comme un peu des phénomènes un peu loin de nous, on vit pas strictement dedans. Bon, même la température générale moyenne du globe, nous on a notre température ici à Québec, les autres ont leur propre température, le trou dans la couche d'ozone, on le voit pas. Donc tout ça c'est quand même des phénomènes un petit peu abstrait, donc j'essaie de le rendre concret. Est-ce qu'une façon, c'est de, par rapport aux forêts, s'il y a une perte de la biodiversité, une augmentation de la température, des conditions climatiques qui ne permettent pas le rétablissement de cette biodiversité, on passe d'une forêt à une savane. Est-ce que là, c'est un point, ce serait une façon d'imager un point de bascule qu'on aurait franchi? C'est effectivement... La forêt telle qu'on a connue, à force d'avoir joué dedans... On en parle surtout pour la forêt amazonienne, ce qui est un point de bascule fréquemment évoqué. Alors là, il y a deux raisons pour lesquelles ça risque d'arriver. Un, c'est la température, effectivement, les changements d'humidité, tout ça. Et la déforestation, évidemment, ça c'est la raison principale. Et donc effectivement, à terme, la forêt amazonienne, si ça continue sur la lancée dans laquelle on est actuellement, pourrait passer d'une forêt à une savane. Et puis c'est pas juste qu'on va perdre la biodiversité associée à la forêt, parce qu'il y aurait probablement aussi une biodiversité associée à la savane, quoique les forêts amazoniennes sont quand même très très riches en biodiversité. Mm-hmm. Mais c'est aussi que les forêts, surtout la taille de la forêt amazonienne, c'est quand même gros, elles créent ça. En tout cas, il y a plein de phénomènes d'évapotranspiration. Elle crée son climat. Elle crée ça. À peu près la moitié de son humidité est créée par le même. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de mouvements de convection. Donc, à l'échelle continentale, ça pourrait avoir un impact majeur, ces phénomènes-là. Mm-hmm. Donc, c'est même pas juste local, quoi. Parce que ce que je devrais ajouter, c'est qu'il y a des communautés qui vivent à proximité de ces territoires-là. Mm-hmm. Donc, si jamais la forêt devenait une savane, pour eux, c'est une catastrophe, quoi. Mm-hmm. Pas juste en termes de subsistance, mais en termes culturels, quoi. Mm-hmm. Puis c'est d'ailleurs ce qui existe déjà, ce qu'on voit déjà avec les changements climatiques. Changement climatique, on a déjà passé la limite planétaire, donc il n'y a pas de surprise là, mais il y a une série qui s'appelle Climat d'urgence qui est en train de passer sur je ne sais plus quel canal. Qui est, en tout cas, c'est très intéressant. Puis on voit l'impact dès maintenant, là on est en 2024, sur les communautés locales, sur leur mode de vie, sur leur mode de subsistance. Donc c'est pas juste théorique, toutes ces histoires-là. C'est pas juste théorique. L'accès à l'eau, si un cours d'eau, un aquifère devient presque sec, ben c'est toutes des communautés qui sont directement affectées. Puis après, évidemment, comme on l'a évoqué tantôt, après, il y a les interactions avec les autres. Et donc, c'est des impacts, c'est des liens qui se passent à une échelle locale, régionale, et comme on l'a évoqué pour la forêt amazonienne, ça peut avoir un impact plus important encore. Ouais, ben j'ai cru entendre ou cru lire aussi à propos dans des articles sur la foresterie au Canada, au Québec, que s'il y a des feux répétés, des feux qui se répètent plus vite que les arbres n'ont le temps de faire des cocottes et de se reproduire, on aurait aussi un problème de régénération de la forêt aussi. Oui, il y a ça qui est vraiment important quand même, parce que bon, après, on en a besoin aussi du bois. Là, pour, puis c'est que les forêts, à un moment donné, à force d'avoir des épisodes comme ça de feu, deviennent non plus des puits de carbone, mais ils émettent du carbone. Voilà. Fait que là, ça accélère. Et puis c'est ces phénomènes-là que les scientifiques veulent éviter en proposant des limites planétaires. Est-ce que ce concept de limite planétaire, est-ce que ça fait consensus dans la communauté scientifique? Ben, globalement, je dirais oui. En fait, le concept a quand même été largement adopté, aussi bien par les scientifiques en sciences nature et technologie qu'en sciences plus humaines et sociales. C'est très adopté, les gens comprennent très bien le concept. Il y a eu quand même des critiques, par contre, par les gens plus spécialisés. Parce qu'en fait, comme je le disais tantôt, le concept a surtout été basé en référence au point de bascule pour éviter ce genre de seuil critique-là. Puis là, il y a des chercheurs qu'ont avancé le fait que oui, c'est bien beau pour le climat, des points de bascule, oui, à l'échelle globale, on s'entend, c'est des points de bascule à l'échelle globale, mais que, par exemple, pour la biodiversité, il n'y en avait pas nécessairement des points de bascule globaux pour la biodiversité, parce qu'effectivement, quand on émet des gaz à effet de serre localement, ben, ça se répand dans l'atmosphère, puis ça impacte la planète au complet. Mais la biodiversité, on l'impacte localement, puis ça, ben, je veux dire, on fait disparaître les espèces locales, puis c'est un impact local. Les conséquences sont locales. Ce à quoi les chercheurs ont quand même répondu à travers d'autres articles en disant « Oui, mais comme on l'a dit tantôt, si tu affectes un processus, même localement, ça peut avoir un impact sur un autre processus. Et donc, ça peut avoir un impact qui peut se répercuter. » Puis ce qu'ils ont aussi proposé, c'est que oui, ok, par exemple pour la biodiversité, ça disparaît localement, mais quand ça se passe partout sur la planète, simultanément, on commence à parler d'un impact global. Sinon, il y a eu d'autres critiques qui ont été émises, mais plus... il y a eu l'aspect plus au niveau des indicateurs. Quelle est l'adéquation entre un indicateur puis le processus qu'on est en train de regarder? La biodiversité, c'est le bon exemple. Juste le taux d'extinction pour représenter l'intégrité de la biosphère, de la biodiversité, c'était un peu court. Donc là, ben, il faut juste simplement se baser sur les avancées scientifiques pour espérer qu'à un moment donné, on soit plus en mesure de mieux caractériser les processus qu'on est en train d'évoluer. Puis du côté des gens plus en sciences sociales et humaines, là, il y a des gens qui ont dit « Ouais, c'est bien joli, là, les limites planétaires, mais qui a fait ces recommandations ?» Parce qu'en fait, c'est tout le monde qui subit les répercussions de ça. Puis commencer à parler d'un de limites planétaires, on commence à penser à gouvernance planétaire, du coup. C'est un peu comme, c'est comme pour le climat. Ah, oui. Si on affecte le climat, il faut commencer à réagir tout le monde ensemble pour trouver des moyens de limiter tout ça. Mm-hmm. Donc, si c'est vrai pour le climat, c'est vrai pour tous les autres processus. Donc, du coup, les limites planétaires commencent à avoir... En tout cas, c'est ce que les gens voient. Il n'y a pas rien qui est en train de se tramer, je pense. Peut-être qu'en coulisses, il y a des gens qui commencent à penser à ça, mais il y a des répercussions au niveau de la gouvernance, effectivement. Si pour on veut garder la... une façon d'éviter les... Oui. D'atteindre les autres limites planétaires. C'est ça. Du moins, de les réduire ou de les contrôler. C'est ça. De les garder finalement une planète intègre. Ouais. Et donc, c'est de la responsabilité de tous les États, surtout les pays les plus qui ont une responsabilité particulière, on peut en revenir tantôt, mais donc s'il y a une répercussion sur la gouvernance, mais ça veut dire que les limites planétaires ne peuvent pas être juste définies par quelques scientifiques, surtout s'ils sont juste représentatifs de la société occidentale, donc ça remet en question ce genre de choses-là. Est-ce qu'il existe un espèce de forum ou de congrès des limites planétaires où pour arriver à organiser un petit peu tout ça, faire une réflexion commune, ou alors est-ce que c'est encore chacun dans son coin qui réfléchit à ça ? J'ai le sentiment qu'au niveau scientifique, comme dans bien des sujets, la communauté scientifique embarque là-dedans, se parle, discute, puis réfléchit. Mais il faudrait que ça se transpose, ça sorte du domaine de la science, exactement, puis que ça se rende au niveau des politiciens. Ouais. Comme toujours, de toute façon, tout le monde le sait, c'est bien beau de savoir quel est l'état de la situation scientifique. À un moment donné, il faut agir. Mm-hmm. Puis on le sait, c'est au niveau des États que ça se passe. Ouais. Dis-moi, Thierry, pour finir, qu'est-ce qui va se passer quand les 9 limites planétaires vont être atteintes? C'est ça, il commencera à y avoir beaucoup de balles dans le barillet. Puis, disons que peut-être que, encore là, je ne peux pas chiffrer, je ne peux pas quantifier, mais peut-être qu'il y aura la moitié des balles dans le barillet. Puis on aura peut-être une chance sur deux de basculer dans un état planétaire qui sera pas mal moins vivable et d'autant plus difficile à revenir en arrière. Puis quand la limite planétaire est franchie, mais est-ce que la situation continue de se détériorer? Parce que ça, c'est un seuil qui est déterminé, mais la situation peut continuer d'évoluer vers surtout quelque chose d'encore moins bien. C'est ça, surtout c'est à l'échelle géologique. Tu sais, on peut peindre, prenons l'exemple de l'Inlantis Antarctique. On peut arriver à un moment donné à, disons, je vais dire lancer un chiffre au hasard, à 1,7 degré de dépassement de la température. Peut-être que le destin d'une partie de l'Inlantis va être fixé. Auquel cas, on pourra faire tout ce qu'on voudra. Toute cette partie-là va à fond. La montée des océans sera inévitable. Mais par contre, on a quand même un contrôle. Si on... Dans ce cas-ci, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui nous concernent. Si on les émet plus doucement, la montée des océans sera plus lente. On sera plus capable de s'adapter. Mm-hmm. Donc... Mais il reste qu'une fois que c'est lancé, ça va prendre des décennies à se faire. Et ça. Donc là... On reconstituera pas l'Inlantis comme ça. Là. Il va falloir un autre bouleversement pour que l'Inlantis se reforme. Oui. Par contre, en s'y prenant, éventuellement, s'il y a plus d'eau, on peut peut-être construire différemment ou ailleurs, ou peut-être quand même continuer à vivre quand même quelque part. Tout dépendamment de la température qui fait quand même. C'est ça. Ouais, En fait, ce serait bien de le faire tout de suite, tant qu'on c'est encore possible. Ouais. Bon, c'est pas très rassurant tout ça ce que tu nous dis, mais il faut quand même en être conscient de ces limites planétaires. Donc, tu as écrit un article dans le Climatoscope, donc on va pouvoir lire, comprendre différemment de ce que tu viens de dire, pour compléter notre compréhension. C'est accessible, c'est gratuit. Le Climatoscope, on le trouve gratuitement. C'est accessible, et puis en fait, le Climatoscope a fait une édition consacrée aux limites planétaires, donc il n'y a pas cet article-là qui définit à peu près c'est quoi, puis ce que ça implique, mais il y a aussi plusieurs articles qui parlent justement de certaines limites du concept, donc il y a certaines critiques qui sont émises, donc c'est vraiment intéressant de voir les autres articles de l'édition en question. Voilà, donc pour approfondir cette notion. Alors merci beaucoup Thierry d'être venu au micro de Futur Simple. Je rappelle que Thierry Lefebvre est professionnel de recherche à la faculté de sciences et de génie à l'Université Laval et chargé de projets en innovation durable pour le CIROD.